الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dans le dernier verset, on a pris le hadith de Ibn Abbas, les trois hommes ou personnes les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cela ne se limite pas, comme on l'expliquait, à ces trois-là seulement. Mais ces trois-là en font partie. On avait dit un mulhid dans le haram, c'est-à-dire un homme qui fait de l'injustice et des péchés, ou même un kafir dans al-haram qui est à Mecca. Ou un mubtari fi l'islam sunnat jahiliya, et quelqu'un qui cherche à instaurer en islam une sunna de la jahiliya, ce qui amènera à en effacer une de l'islam. Et troisième, c'est une personne qui s'acharne à rechercher quelqu'un afin de mettre fin à sa vie injustement. On est toujours dans le bab al-tahdhir min al-tashabbuh bil-kuffar, qui est le chapitre de l'avertissement à ne pas ressembler aux kuffar. Ensuite, on va prendre un seul hadith pareil ce soir, faute de temps. On va prendre le 164e hadith, qui est le 4e de ce fasl. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يبض الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بكم فهو منهم رواه أحمد. Alors ce hadith, c'est le asl parmi les usul dans l'interdiction de ressembler au kuffar. Quand il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé aux prémices de l'heure avec l'épée, au devant de l'heure avec l'épée, afin que Allah azawajal soit adoré seul sans associé, et que ma subsistance m'a été accordée sous l'ombre de ma lance, et l'humiliation et l'avilissement sera sur ceux ou celui qui aura transgressé mon ordre. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Apporté par Ahmed. Et ça, c'est un hadith qui, en réalité, à lui tout seul, est clair, limpide, explicite, qui ne mérite pas de grands commentaires. Et également un hadith qui, en réalité, explique beaucoup de la situation de la Oumma en cette époque. Tout simplement, quand les gens demandent pourquoi on est en retard, pourquoi on est de telle situation, pourquoi, on dit la solution, plutôt la réponse, est dans ce hadith. Donc il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé au devant de l'heure. Ça veut dire qu'en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son envoi, c'est parmi les signes de l'heure, les signes mineurs de l'heure. Nous, on voit comme si c'était loin, mais en réalité, par rapport à le moment où Allah Azawajal a créé les cieux et la terre, ce qui s'ensuit, et par rapport à l'heure, la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parmi les signes de la fin des temps. Il a dit « Bu'istu ana wa sa'a ka hadhihi wa min hadhihi aw ka hatayn » J'étais envoyé aux prémices de l'heure comme ces deux-là. Il a joint entre son index et son majeur. Pour dire, je suis vraiment très proche. Moi et l'heure, on vit ensemble. Puis il a dit, be safe, avec l'épée. Et cela également vient pour un petit peu redresser le discours des gens qui n'arrêtent pas tout le temps de dire que l'islam, c'est une religion de paix, de paix, de paix, de paix. D'accord ? Et tout le temps vouloir faire les personnes qui acceptent tout. On dit, l'islam, c'est une religion de paix. Mais comme vous le savez, aucune paix n'a pu s'instaurer sans qu'il y ait de conflit, car il y aura toujours des détracteurs. Et ça, c'est valable pour toute situation. Ce n'est même pas valable que pour l'islam. Vous le savez très bien que le christianisme a été imposé par les croisades. Les régimes politiques dans tous les pays ont été imposés par des guerres, par des conflits armés. C'est une chose qui est inévitable. Et souvent, des gens vous disent qu'on ne règle pas les problèmes par la violence. Ce n'est pas vrai. Il y a des situations, il faut être violent. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une violence gratuite. Sans quoi, il n'y aurait pas besoin de la police, pas besoin d'armée, pas besoin de vigile à l'entrée des lieux, pas le... Il n'y a pas besoin de tout ça si la violence ne résume rien. La violence, malheureusement, c'est une solution face à des gens qui ne veulent pas se résigner à respecter ce qu'il aurait imposé pour le bien-être de tous. C'est inévitable, même à la maison. L'enfant, des fois, tu peux être amené à être brutal avec l'enfant. Mais chaque chose à bonne mesure, bien évidemment, sans dépasser les limites. En islam, il y a des sentences physiques pour des gens qui transgressent, comme le voleur, comme le fornicateur, comme celui qui tue quelqu'un volontairement. Et voilà. Donc, en réalité, la violence, elle a sa part. Si les gens ne veulent pas de violence, qu'ils ne transgressent pas. Mais les gens sont amenés à transgresser. Et il y a des transgressions pour dissuader ceux qui vont la faire et pour sévir envers ceux qui la commettent, il y a des actes violents. C'est une réalité. D'accord ? Donc, il ne faut pas qu'on vive dans un monde, comme on dit, d'islam de Playmobil. Hein, que tout est beau, tout est poli, tout est lisse. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par l'épée. Mais cette épée, elle est pour quoi ? Elle n'est pas là pour terroriser les gens ou pour faire du mal ou quoi. Elle est là pour faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute face à ceux qui voudront s'y opposer. Et qui eux-mêmes useront des armes pour l'en empêcher. Akada. Donc ne nous faites pas avoir par ce discours poli et toujours vouloir se faire passer pour qui on n'est pas, pour des gentils. Les musulmans ne sont pas des prêtres. On ne tend pas la joue gauche. Le musulman n'est pas un prêtre. Il ne tend pas la joue gauche. La doctrine des Nasara, elle n'est pas chez nous. Le musulman, il a l'izza. Le musulman, il se défend. Et dans des situations particulières, il va de l'avant. Mais ça avec des conditions, bien évidemment, comme vous le connaissez, qui sont régularisées par la religion. Ce n'est pas tout à chacun d'agir. Mais quoi qu'il en soit, le musulman, d'accord, est une personne de fierté. Une personne également que lorsqu'il faut, il en prend la force. Lorsqu'il le faut. Taïeb. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec l'épée. C'est une réalité. Mais chaque chose a sa place. Chaque chose dans son contexte. Chaque chose face à la situation. Il a dit « Hatta yubadallahu ta'ala wahdahu » C'est-à-dire que c'est ce que Allah Azzawajal soit adoré, c'est-à-dire pour le tawhid. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Umirtu an uqatil al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah » وأنا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومن فعل ويصوم رمضان ومن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله. Il a dit j'ai été envoyé pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah et qu'ils accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et qu'ils somment le ramadan. Dans le hadith il n'y a pas ramadan. Et celui qui fait cela sera préservé de moi dans son sang et dans ses biens. Donc l'islam, cela fait partie de l'islam. D'accord ? Et le djihad fait partie de l'islam. On ne fait pas croire aux gens ce qui n'est pas vrai de notre religion. Il faut leur dire les choses avec sagesse, comme il le faut. Et ne pas montrer un islam faussé, comme des gens veulent le faire. Et parler de djihad ne veut pas dire que tu es un takfiri ou un khariji ou ce genre de choses. Mais le djihad fait partie de la religion et plein de versets le citent. Et cela également est présent dans les autres religions. Et il n'y ait pas une chose qui n'a pas eu une qui ne soit imposée si ce n'est par des guerres. Il faut l'admettre. Ce n'est pas propre à l'islam seulement, mais c'est propre à l'être humain. L'être humain est une personne qui se rebelle et qui veut résister. Et face à cette résistance, il faut faire preuve de force. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Vous savez, si vous êtes parlé avec les gens de sagesse et bon comportement, vous savez, on serait tous musulmans alors qu'il est. Mais pourtant non. Et pourtant, les gens, tu as un bon comportement, ils ne veulent pas accepter. Tu leur parles pas, ils ne veulent pas accepter. Ils voient même, ils s'en prennent à toi, ils te lèsent, ils mentent sur toi, ils mentent sur la religion. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, ils sont mauvais. Et si jamais le musulman ne se défend pas, il y a des gens, ils sont prêts à prendre les armes contre les musulmans alors qu'ils n'ont rien fait. Combien de musulmans se sont fait agresser gratuitement ? Deux sœurs se sont fait agresser gratuitement. Et après, on nous fait croire que nous, on est des hippies de religion. On n'est pas des hippies. On n'est pas des prêtres. Si demain, toi, t'es un musulman, on t'agresse, tu te défends. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est tué en défendant ses biens, son honneur, il est martyr. Tu te défends. D'accord ? Et pour se défendre, ça veut dire quoi ? Faire preuve de force. Et chaque chose dans son contexte. Et il a dit, j'ai la risque tart zil rumhi, et que mon risque m'a été octroyé sous la lance. Sous l'ombre de ma lance. Ça encore, c'est explicite. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous souvent vous demandez aux gens, c'est une faïda que je vous rapporte souvent, que les gens qui écoutent mes doulous savent, lorsque tu demandes aux gens quel était le travail du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, très peu pourront te répondre. Et on parle de, à partir du moment où il est devenu prophète et messager, parce qu'avant on sait qu'il a été employé pour Khadija, radhiyallahu anha. Mais si tu leur demandes de quoi vivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quel était son salaire, beaucoup de gens ne sauront pas te répondre. Et là il te le dit, lui vivait du quoi? Du cinquième du butin de guerre, lorsqu'il faisait le djihad. Et également des dons qu'on lui faisait, parce qu'il n'acceptait pas le sadaqa. Il acceptait les cadeaux. Et ce n'est pas les cadeaux qu'il demandait, c'est des cadeaux que les gens lui faisaient. Le Nabi sallallahu alayhi, il n'y avait pas d'histoire de quête ou de demande d'argent à quiconque. Comme nous on le fait aujourd'hui avec toutes nos cagnottes, toutes nos quêtes, toutes nos demandes d'argent qu'on fait à tout va, il n'y avait pas ça à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que ces gens-là étaient plus pauvres que nous. D'accord? Leur salaire, ils le gagnaient quitte à transpirer du front de leur sueur, comme on dit, même si c'était peu, ils gagnaient leur vie et dépensaient de leurs biens, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Contrairement à nous aujourd'hui, on est à une époque où notre Oumma est une Oumma d'assistée. On préfère trouver 1000 personnes pour donner chacun 1 euro plutôt qu'une personne donne 1000 euros. Alors qu'avant les Sahaba, ils donnaient. Ils n'allaient pas dire aux autres, venez on se cotise, on donne. Non, ils savaient qu'il y avait un frère qui était dans le besoin, ils donnaient ce qu'il avait. Abou Bakr al-Siddiq a donné tout son argent pour l'islam. Il n'a pas dit, faites une cagnotte ou faites une quête, chacun met un petit peu comme ça on a une grosse somme. Non, il ne demandait à personne. Quelqu'un est dans le besoin, il a l'argent, il donne l'argent. Il donne la somme. J'avais déjà expliqué que même Bilal s'était endetté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà endetté. Pour cela. Moi aujourd'hui les gens ils ont peur, ils veulent faire du bien mais ils ont peur de donner de leur bien vraiment concrètement. Donc on a tous ces procédés, d'accord, les cagnottes, les quêtes, les alors que ça à la base en islam t'as pas de cagnotte à faire, tu sors ton argent de ta poche, tu aides ton frère et tu sais pas, tu connais quelqu'un qui peut l'aider, tu fais aide-le, tout ça. Moi aujourd'hui c'est de la porte ouverte à l'assistana et à la mendicité et au fait de quémander pour un oui et pour un non, malheureusement. Ensuite, donc on disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que son rizq lui était octroyé sous l'ombre de sa lance. Ça veut dire par la part de butin qui lui revient du combat. Et il a dit Ju'ala dhul wassarar ala man khalafa amri. Et là, c'est un point qui est important. Il a dit que l'avélissement, le rabaissement et l'humiliation, c'est pour qui? C'est pour ceux qui seront opposés à son ordre, en réalité. Donc en réalité, tu veux être la fierté, tu veux avoir. Que la puissance est Allah à son messager aux croyants. Mais c'est comment? Aux croyants qui obéissent. Celui qui désobéit, son obéissance va faire en sorte qu'il va finir humilié. Il finira humilié. Même s'il est musulman, il ne devient pas kafir, mais dans son islam, il sera à un niveau très bas. Pourquoi? Parce qu'il aura désobéi aux ordres. Il l'a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kul ummati tatrul al-jannah il man aba. » فقالوا من يأبى قال من عصى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté va rentrer au paradis à part ceux qui ont refusé. Alhamdulillah, excusez-moi. Et les sahaba diront, mais qui va refuser? Il a dit, celui qui m'aura obéi rentrera au paradis, et celui qui aura refusé, ou celui qui m'aura désobéi, celui qui aura refusé rentrera au paradis. C'est tout. Donc les causes qui nous empêchent de rentrer au paradis, elles ne reviennent que à nous. C'est notre faute à nous, on n'a pas obéi. Quand on fait des rappels aux gens, on leur dit ça c'est haram, ils veulent pas écouter, ça c'est bid'a, ils veulent pas écouter, fais ça, ils veulent pas le faire, fais pas ça, ils le font quand même. C'est ça les causes de ce qu'on veut vivre comme avilissement, et ça les causes qui font que on peut être privé du Jannah. Par notre propre entêtement, par notre propre orgueil, par notre propre suivi de passion, par notre propre transgression. C'est tout. C'est de notre faute à nous-mêmes. C'est de notre faute, faut pas commencer à accuser les gens, ils m'ont fait. À la base, tu es le premier fautif, lorsque tu fais un péché, c'est toi. Maintenant, tu as fait une chose par ignorance, Rabbana la tuharizna inna sina awartana. Et qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah outrepasse, c'est-à-dire quand je dis outrepasse, passe outre, à fouet plutôt, de celui qui aura fauté malgré lui, sans le savoir, ou qui aura oublié. Mais celui qui fait une faute délibérée, c'est lui qui aura provoqué ça tout seul. Il ne pourra pas s'en prendre à quiconque si ce n'est qu'à lui-même en premier lieu. Après, il a pu avoir été influencé, ça, on lui accorde ou quoi, mais le fautif de base principal, c'est lui-même, c'est nous-mêmes. D'accord? Faut pas qu'on se monte à nous-mêmes et qu'on se trouve des prétextes. Et il a dit, c'est ça le shahid du hadith, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِكُومِنْ فَوَا مِنْهُمْ, et que celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et dans le Coran, Allah Azzawajal nous a dit وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَوْا مَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ils sont oubliés eux-mêmes, et ce sont ceux-là les pervers. Dans le Coran, Allah nous a interdit de ressembler aux gens du livre, par rapport aux erreurs qu'ils ont commises, de ne pas ressembler aux mouchilikines, de ne pas ressembler aux munafiqines, de ne pas ressembler aux désobéissants. La chose, elle est simple. Et celui qui leur ressemble est compté parmi les leurs. C'est pour cela que le tajabur bikoufar, ça peut aller du péché, tout comme ça peut aller à la mécréance. Ça dépend dans quoi tu leur ressembles. D'accord ? Et l'apparent, la ressemblance dans l'apparent amène un attachement intérieur. Ça, c'est une chose qui est évidente, qui est indéniable et qui est factuelle. Une ressemblance apparente prouve un attachement intérieur. Tu ressembles à qui tu te réfères. Tu ressembles à qui tu aimes. Tu ressembles à qui tu t'affilies. Cela va de soi. D'accord ? Cela va de soi. C'est une chose qui est connue. Souvent, les gens disent la vie ne fait pas le moine. On dit oui et non. De base, comment tu t'habilles, on pourra savoir à peu près à qui on a affaire. Tu arrives à reconnaître un fan de football, tu arrives à reconnaître un fan de rap, tu arrives à reconnaître un fan de fitness, tu arrives à reconnaître un fan de rock, tu arrives à reconnaître les gens, tu arrives à les reconnaître, en gros. Il y a des gens qui sont un peu classiques, mais tu vas toujours voir des signes sur eux apparents qui vont t'indiquer un petit peu à quel genre de personne tu as affaire. C'est une évidence. Et quelqu'un qui aime la sunna, tu vas le voir sur lui également. Et tu verras par exemple une Nassara, une bonne sœur, tu sais qui elle est. Tu vois un prêtre, tu sais qui il est. Tu vois un rabbin, tu sais qui il est. D'accord ? Tu sais à qui tu as affaire par les signes apparents. Donc le musulman, si c'est sa religion qu'il aime, c'est le tawhid qu'il aime, c'est la sunna qu'il aime, ça va se voir sur lui. Il pourra dire ce qu'il veut avec sa langue, hein. Nous on veut juger les actes. Parce que tout le monde dit j'aime l'islam, j'aime le tawhid, j'aime la sunna. D'accord ? Mais nous on juge tes actes. Et tes actes souvent sont en désaccord avec tes paroles. Très souvent. Les gens vont te dire j'aime Mohamed, mais quand tu le regardes, il ressemble à qui ? Il ressemble à Messi. Il ressemble à Ronaldo. Il ressemble à un tel ou un tel. Il ressemble pas à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de la vie. Il te dit je préfère Mohamed, c'est l'homme que je préfère sur Terre. Il te dit non, dis pas ça. Ça se voit que c'est pas lui. D'accord ? Ça se voit que c'est pas lui. Malheureusement. On dit pas que tu ne l'aimes pas, mais on te dit qu'il n'est pas ce que tu prétends dans ton cœur. Malheureusement. Et juste de voir comment tu es. Et on arrivera à le savoir. Et c'est une réalité. Il ne faut pas que les gens soient dans le déni, dans l'hypocrisie ou dans la mauvaise foi. Il faut l'accepter. C'est une réalité. Pareil. Et la ressemblance au koufa, comme l'expliquait, elle varie entre leur ressembler dans les paroles, c'est-à-dire la façon de parler, dans ce qui leur est propre, dans leurs expressions, dans ce qui leur est propre, dans leur accoutrement, dans ce qui leur est propre, et la pire des choses, dans leur croyance. On ne leur ressemble pas dans leur fête. Comme c'est le cas ces jours-ci. D'accord ? On ne ressemble pas là-dedans. On s'y oppose à ça. Quand je dis on s'y oppose, ça veut dire on ne participe pas, on ne contribue pas et on n'approuve pas. On ne ressemble pas. Et il y a des choses qui sont communes à l'humanité en fonction des lieux et des époques. Ça, c'est une chose qui est commune. Il y a des choses qui sont spécifiques. Et ce qui est spécifique, qui fasse que lorsque tu le fais, on pense que tu es parmi eux. On ne sait pas qui tu es, en fait, par rapport à cet acte que tu vas avoir. Par exemple, des fois, tu vas t'habiller d'une façon, les gens vont pas savoir que t'es un musulman. Eh ben, ça prouve qu'il y a un problème. Si on te voit, on dit, ah, ben, je sais pas que t'es un musulman, ben, c'est que tu ressembles pas au peuple à qui tu t'affilies. Malheureusement. Et pareil, quand tu parles, des fois, t'as des gens qui parlent, et ils disent, quand tu parles, Arige, je pensais pas que c'était musulman. T'as pas des paroles de quelqu'un qui croit en Allah au jour dernier, et voilà. Ce sont des choses apparentes qui indiquent un ressenti intérieur. Le hadith qui est clair, elle a fait Jassad, Moudra, ils ont salahat, salahal jassad kullu, ou ils ont fasadat, fasadal jassad kullu, et là où il y a le kalb. Il y a dans le corps un organe, lorsqu'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, et c'est le cœur. Si ton cœur il est bon, ça va se voir sur toi. Ça va se voir sur toi. Tout le monde dit j'ai un bon fond, je suis quelqu'un de bien. On ne juge pas tes dires, on juge tes actes. C'est ça qui parle le plus, ce sont les actes. Les actes parlent plus que la langue. La langue elle fait du bruit, elle bouge, mais en réalité, elle prouve pas grand chose, car on peut mentir, on peut tromper, mais les actes, ce qu'on fait ou quoi, il y a des indices sur notre gestuelle, sur les indices corporels, ils ne trompent pas. Même ils trahissent les gens, bien souvent. Donc on prend les favorites du hadith. قال أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قرب قيام الساعة. Donc l'envoi du Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est parmi les signes de la proximité de l'heure. ثانيا أن المقصود الأعظم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. Et que le but principal de l'envoi du Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est l'appel au توحيد d'Allah et au fait de l'unifier dans l'adoration. C'est ça la base de la religion de l'islam. D'accord ? Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est battu, que les Sahaba sont battus. C'était pour cela. C'était pas pour un pays. C'était pas pour un drapeau. Et c'est encore moins comme les gens font aujourd'hui pour une équipe de football. C'était pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Que le tawhid s'établisse et c'est ça la justice sur terre. Et que le shirk disparaisse et que le mal disparaisse autant que possible. Bien qu'il y aura toujours une part. Voilà pourquoi ils sont battus ces gens-là. Ils sont sacrifiés, ils ont donné de leur vie et de leur bien, de leur énergie. Alors qu'aujourd'hui, on passe notre temps à jouer, à se divertir, à perdre le temps. Et lorsqu'on parle de choses sérieuses, il n'y a plus grand monde qui est là. Ou les gens, ils sont les gens offusqués. Ou non, c'est pas ça l'islam, non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça l'islam. Arrête de tromper les gens. En faisant cela, tu fais une contre-darwa et tu es en train de trahir l'appel du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le combat des Sahaba. Tu es en train de les trahir. C'est une trahison. C'est comme ce qu'ils avaient fait. C'est comme des fois quand tu vas à Mecca, en Arabie Saoudite, tu vas à Médine. Tu vas à Médine et tu vas au Maqbara des Shuhada, au cimetière des martyrs de Uhud. Tu dis, tu sais ce qui s'est passé à cet endroit-là? Les Sahaba se sont battus, ont été tués. Toi, t'es là, tu montes sur la montagne, tu te prends en photo, tu fais des selfies, tu rigoles, tu joues. Tu sais ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un lieu touristique ici? Vraiment, c'est un lieu, quand on vient, on devrait pleurer, on devrait se rappeler et ressortir encore meilleur. Les gens, ils partent, on vend des souvenirs, on vend des gâteaux, on donne à manger aux pigeons. C'est devenu un lieu de divertissement. Alors, c'est un lieu dans lequel il y a eu des combats. La première défaite des musulmans, c'était là. Pourquoi? Pour avoir désobéi. Les archers qui n'ont pas respecté l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Résultat, ça a causé la défaite ce jour-là. Les Sahaba sont enterrés là-bas, ils sont morts. Et nous, on vient aujourd'hui, on fait les touristes. On se prend en photo. Est-ce qu'on respecte ce qu'ils ont fait comme combat? Sûrement pas. On ne respecte pas. On ne te dit pas de ne pas y aller. On dit, vas-y, va regarder ce site, regarde ce lieu et rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé. Rappelle-toi l'histoire. Et franchement, quand tu t'en rappelles, tu sais ce qui s'est passé, t'as pas envie de jouer. T'as pas envie de jouer, c'est pas un lieu de jeu. C'est devenu un lieu de jeu, un lieu pour dépenser de l'argent, un lieu touristique. Malheureusement. Et on n'en sent pas meilleur. C'est une réalité. Ceux qui ont été là-bas, ils l'ont vu, et ceux qui vont y aller, vous le verrez aussi également. Donc vous faites, ceux qui n'ont pas déjà été là-bas, faites attention quand vous allez là-bas. Ne vous faites pas engrainer dans ce move de tourisme. Ce n'est pas le tourisme. C'était un lieu où il y a eu des guerres. Il y a eu des morts. Quand les Yahoudis vont dans leur prétendu lieu où il y avait l'Holocauste, là, je ne sais plus où, ils prétendent où il y a eu des fours, ce qui s'ensuit. Vous pensez qu'ils là-bas, ils vont jouer, ils rigolent? Vous pensez qu'ils jouent là-bas, ils rigolent, ils prennent des photos, ils font des selfies ou quoi? Ça s'appelle la Shoah, je crois. Vous pensez que eux, quand ils vont là-bas, ils font ça comme nous, on fait qu'on rigole à Uhud? Je pense pas. Et bien qu'on mette en question leur histoire, à ces gens-là, dans ce qu'ils prétendent. Et nous, c'est l'histoire, elle est vraie. Et pourtant, on joue quand on y va. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça reprouve ce qu'il disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu la wassarar à la man khalafa amri. Que l'humiliation, l'avilissement et sera pour ceux qui auront transgressé mon ordre. Donc quand on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'on est dans le hal dans lequel on est, on dit le hadith t'a répondu. On transgresse trop du matin au soir les ordres du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on le prend à la légère. C'est une réalité. Elle est triste, c'est déplorable, mais c'est une réalité. Et bien sûr, c'est une parole qui est générale. On sait très bien qu'il y a des gens qui font des efforts. D'accord ? Il y a des gens qui font des efforts pour s'accrocher. Ils ont un souci de leur religion, ils s'accrochent. Mais de façon générale, notre Ummah est dans ce hell-là, malheureusement. Et tant qu'on ne sera pas sorti, on subira. Excusez-moi, il y a une petite coupure. Donc je finis. Salisan, hell el-ghana'im li hadihi l'Ummah. واختصاصها بذلك من بين سائر الأمم وأنها من أفضل المكاسب. Et on y voit que il a été le permis, il nous a été légiféré de prendre des butins de guerre, car auparavant cela a été interdit pour les autres communautés. Cela a été accordé seulement aux gens de l'islam de prendre des butins de guerre après un combat. Taïeb, y a plus de son là chez vous? Toujours? Ah d'accord, c'est revenu, parce que ça avait coupé, j'ai remis. Barakallahu fikum. طيب رابعا النهي عن التشبه بالكفار لان المشابهه في الامور الظاهره تورث تناسبا وتشابها في الاخلاق والاعمال. L'interdiction de ressembler aux kuffar, car la ressemblance dans les choses apparentes provoque et engendre une approbation, une ressemblance même dans les comportements, dans les actes. Ça va de soi. خامساً أن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للذلة والصغار كما أن طاعته سبب للعز والتمكين et que s'opposer à l'ordre du Nabi صلى الله عليه وسلم, transgresser, est une cause pour l'humiliation et l'avilissement. Tout comme lui obéir est une cause de puissance et de suprématie. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا et celui qui aura obéi à Allah et à son messager aura réussi d'une grande réussite. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته